L'actualité à Nancy et ailleurs. Des journées portes ouvertes du mercredi 4 au samedi 7 juin au 125 rue MacMahon à Nancy. C'est proposé par l'APF France Handicap et la délégation de Nancy, mais aussi avec le service d'accompagnement à la vie sociale et donc qui ouvre chacun leurs portes lors de ces quatre journées. Pour nous en parler, nous accueillons en studio Christine Janssens. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes chargée de développement. Oui. Et Nouroudine Migan, bonjour. Bonjour. Vous chargée de projet régional donc pour l'APF France Handicap. Et on a aussi en studio Maxence. Bonjour, bonjour. Maxence, qui est en stage avec nous à la radio, en journalisme et qui aura peut-être une petite question. Parlons maintenant, peut-être vous présenter l'APF France Handicap. APF France Handicap, si vous voulez, aujourd'hui c'est l'une des plus importantes associations d'accueil, d'accompagnement et de représentation des personnes en situation de handicap, de défense de leurs droits et de leurs proches. L'association existe depuis 1933, donc cette année, elle fête ses 92 ans. Et l'association fonctionne et ou est divisée, si vous voulez, en deux gros pôles, le mouvement associatif et la gestion d'établissements médico-sociaux. Et nous, nous faisons partie du mouvement associatif, les délégations. Et vous, vous êtes donc chargé de projet régional? Oui, moi, je suis chef de projet régional pour le développement des ressources, donc pour les 10 délégations départementales de la région Grand Est. Et Christine Janssens, vous, votre rôle? Donc moi, je suis chargée de développement des actions associatives. Donc je travaille avec mon collègue Nouroudine. Je travaille sur différents projets comme la ressourcerie que l'on organise chaque mois, comme le festival humour et handicap qu'on organise une fois par an à Pont-à-Mousson. On est une équipe de 4 personnes et on travaille tous ensemble sur tout ce qui est sorti et projet de l'association. 4 personnes qui font beaucoup de travail au quotidien. Hein. Oui, tout à fait. Et donc, ce rendez-vous des portes ouvertes, vous le faites avec le service d'accompagnement à la vie sociale. Vous pouvez peut-être nous présenter, même si on n'a pas de représentant aujourd'hui en studio, le rôle de ce service. Le service d'accompagnement à la vie sociale est un établissement médico-social qui travaille avec la MDPH, donc Maison départementale des personnes handicapées. Il accompagne des personnes en situation de handicap dans leur projet de vie. Et donc avec ce service, vous vous êtes réunis pour proposer ces 4 journées portes ouvertes. Alors pourquoi ? Pour faire connaître l'APF France Handicap sur la Meurthe-et-Moselle d'une part, et ensuite pour mettre en avant les activités que nous proposons et les missions que nous proposons au sein de l'association. Parce que vous êtes voisin, rue MacMahon aussi, avec le service? On est dans les mêmes locaux, en fait. C'est une première que vous organisez ces portes ouvertes? C'est la première année qu'on en organise nos portes ouvertes. Et à partir de quel constat, alors, vous êtes rendu compte que c'était encore, même si l'APF France Handicap, c'est une vieille dame maintenant, 92 ans, vous l'avez dit, c'est encore assez méconnu? Oui, en fait, si vous voulez, on sait tous que APF France Handicap existe depuis plusieurs années, mais c'est parti du constat que beaucoup de gens dans tous les domaines, ils disent, mais oui, on n'entend pas souvent parler, on ne sait pas, vous êtes où, votre délégation, elle se trouve où. Et pour la délégation, pour nous, les portes ouvertes, c'est pour faire venir le public, faire connaître les projets, comme a dit Madame Janssens, du grand public, que ces personnes, que les usagers, le public puissent rencontrer l'équipe, partager des moments avec les personnes en situation de handicap, voir ce que ces personnes font comme activité sur le renforcement du lien social. Et les missions parfois aussi d'APF France Handicap sont peut-être parfois méconnues aussi, il y a un peu de flou, des fois on ne sait pas trop oui, exactement. Si c'est... Oui, effectivement, elles sont pas connues en fait, oui, non, sauf par les personnes concernées. Oui. Après, nous aussi, on essaye en fait de s'ouvrir aux personnes dites valides, j'aime pas trop employer ce terme, mais bon. Et en fait, le but, c'est aussi de dire que les personnes qui ne sont pas en situation de handicap peuvent également participer à nos activités avec les personnes en situation de handicap, parce que les activités que nous mettons en place sont des activités classiques qui sont ouvertes à tout le monde et qui peuvent être pratiquées par tout le monde finalement. Et vos missions, votre rôle, il est complémentaire aussi du service d'accompagnement à la vie sociale. Ça va permettre de clarifier peut-être pour les personnes qui viendraient vous rendre visite? Oui, effectivement. Disons que les personnes suivies par le SAVS peuvent effectivement participer à nos activités. Elles ne savent peut-être pas forcément toutes, mais elles peuvent participer. Et après, les personnes qui viennent chez nous peuvent également parfois avoir un besoin. Ça peut être un aménagement au niveau du logement, ça peut être de l'aide administrative et il faut qu'elles sachent aussi qu'elles peuvent se diriger vers la MDPH qui, elle, peut rediriger vers le SAVS, en fait. Parfois, c'est un peu toujours très nébuleux, hein, tous ces acronymes, et puis les rôles de chacun, on ne sait pas forcément toujours. Donc, ça va permettre de clarifier un peu tout ça. Voilà, tout à fait. Oui, oui. Ces portes ouvertes, vous les adressez vraiment à tout le monde ? À tout le monde, oui. Sont ouvertes au public. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire sur place lors de ces quatre journées ? J'ai vu qu'il y avait des ateliers. Expliquez-nous un peu comment vous avez imaginé ces quatre journées de portes ouvertes. La première journée, le mercredi matin, il y aura le lancement officiel des portes ouvertes par notre directeur territorial des actions associatives en compagnie de quelques officiels des communes environnantes et partenaires. Il y aura le public, les personnes adhérentes à l'association, des bénévoles, des aidants familiaux. Et il y aura des partenaires associatifs, d'autres associations qui travaillent avec nous, et puis d'autres partenaires institutionnels. Ça, c'est la première journée, la matinée, si vous voulez, de lancement. Et dès l'après-midi, il y aura les premiers ateliers. Des stands seront mis en place de manière permanente pour le stand de la délégation et d'autres stands de partenaires également, toutes les quatre journées des portes ouvertes. Et le mercredi après-midi, il y aura l'activité peinture. Donc animé par notre bénévole Pascal. Pour cette occasion, nous allons accueillir des enfants d'un centre de loisirs qui vont participer à l'activité peinture avec les adhérents et puis le public qui sera là, qui souhaitera participer à l'activité. Et ça, c'est pas forcément commun d'accueillir des enfants pour ce genre d'événement. Non, disons qu'on l'a fait pareil il y a de nombreuses années. Et donc là, on s'est dit que ce serait bien de faire aussi participer des enfants à cet atelier dessin. Et ça fait une rencontre entre deux publics et on a trouvé que c'était une bonne idée. Mais c'est une très bonne idée, effectivement, vous avez raison. Il y a d'autres partenaires à citer peut-être qui seront présents lors de ces quatre journées ? Oui, le premier partenaire, c'est la ville de Nancy, qui soutient nos projets chaque année. On aura des associations qui seront présentes, comme Rebond Ulysse. Nous avons aussi la boulangerie Les Merveilles de Lily, qui est partenaire des Portes Ouvertes. France Bénévolat. La FEV qui sera peut-être là, et puis l'UDAF, c'est l'Union départementale des affaires familiales. Voilà. Donc vous en avez fait, cité... le président sera représenté à la cérémonie de lancement des Portes Ouvertes. Et vous avez cité la FEV, donc là c'est plus pour les étudiants. Oui, ils seront souvent représentés par leur délégué départemental. Et France Bénévolat, parce que l'APF France Handicap a besoin de bénévoles. Oui. Ça, c'est un rôle important, j'imagine. Oui, effectivement, sans nos bénévoles, on ne pourrait pas faire tout ce qu'on fait. Et puis d'ailleurs, France Bénévolat se trouve maintenant dans nos locaux également et on leur a mis à disposition une salle. Et donc, on trouve normal qu'ils soient là pour tenir un stand. Maxence, est-ce que tu as une question, une remarque par rapport à ces journées portes ouvertes ? Eh bien, je pensais à la ville de Nancy, s'ils sont partenaires de cet événement. Est-ce que vous êtes en lien avec eux ? Je pense que vous devez avoir des retours des personnes concernées en fauteuil, par exemple, pour améliorer la situation, l'accessibilité à Nancy, par exemple. Oui, on est en lien avec le CCAS. Parfois, on fait des actions avec eux pour aller tester l'accessibilité, effectivement, sur la ville de Nancy. Parce que l'APF a un rôle aussi militant de défense des personnes en situation de handicap. Oui, tout à fait, oui. On a un rôle de militant. Oui. Pour ces journées portes ouvertes, qu'est-ce que vous aimeriez faire passer comme message ? Le maître mot, c'est l'inclusion. C'est l'inclusion, c'est... Il y a un terme qui est souvent utilisé au sein de l'APF France Handicap, c'est l'inclusiversalité. C'est des solutions à la fois inclusives et universelles. Pour dire, il ne faudrait pas que les personnes en situation de handicap, il ne faut pas qu'elles continuent à être discriminées. Il faudrait vraiment que ces personnes soient intégrées, que des projets soient intégrés dans la vie de tous, mais que ces personnes soient en contact direct avec, comme dit Mme Janssen, les personnes valides. Que ça ne soit pas des projets qu'on crée de manière isolée pour elles, mais pour toutes ces personnes avec les personnes valides. Les journées portes ouvertes, c'est du mercredi 4 au samedi 7 juin, au 123 et 125 rue MacMahon à Nancy. Je vous laisse le dernier mot, Christine Janssen. J'en profite pour dire que cette année aussi, c'est les 20 ans de la loi 2005-2025 pour justement les droits des personnes en situation de handicap, hein, tout ce qui concerne l'accessibilité, les droits à la santé. Nos portes ouvertes sont aussi un peu dans ce sens-là, effectivement, de montrer que, comme disait M. Migan, qu'il faut absolument ne pas les mettre de côté. Il faut vraiment que les gens comprennent qu'une personne en situation de handicap, elle peut avoir une vie normale et vraiment faire partie de la société à part entière. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Donc merci à tous les deux. Donc je rappelle Nouroudin Migan, qui est chef de projet régional à l'APF France Handicap, et Christine Janssen, chargée de développement. Merci à vous deux. Merci, merci à vous. Merci. Et merci Maxence. Merci. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.